les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. Flora, Jeanne, Désirée et Eugénie. Quatre femmes emblématiques des combats menés au XIXe siècle pour la défense des droits des femmes et des ouvriers. La première, Flora Tristan, est sans doute la plus célèbre en raison de l'œuvre littéraire qu'elle nous a laissée, elle qui fut notamment l'auteur des Pérégrinations d'une paria, une autobiographie qui fit scandale. Au lendemain de la Révolution de 1848, Jeanne de Rouen, Désirée Gay et Eugénie Niboyet publièrent toutes trois des journaux politiques et sociaux, une presse qui revendiquait le droit de vote et le droit au travail pour les femmes, l'égalité des salaires, la formation de coopératives. En mai 1994, dans les trois premiers volets d'une série d'émissions diffusées dans les chemins de la connaissance, Geneviève Ladouesse recevait historiens et universitaires pour donner à entendre ce que furent leurs parcours singuliers entre la Révolution de 1830 et l'avènement du Second Empire. Il y a 150 ans, en 1844, mourait Flora Tristan. Elle avait 41 ans et avait brûlé ses dernières forces dans un tour de France militant où elle essayait de convaincre les républicains, les fouriéristes entre autres, et puis les ouvriers, de la nécessité de l'union ouvrière. Elle écrivait « Ouvriers, vous le voyez, si vous voulez vous sauver, vous n'avez qu'un moyen, il faut vous unir. Si je vous prêche l'union, c'est que je connais la force et la puissance que vous y trouverez. Ouvrez les yeux, regardez autour de vous, et voyez de quels avantages jouissent tous ceux qui ont formé union dans le but de servir la même cause et les mêmes intérêts. » Puis Flora fut oubliée et n'allait être redécouverte que par les surréalistes, André Breton en particulier. Flora Tristan, un fabuleux destin, comme le soulignait Jean Cassou, était l'une de ces femmes qui ont vécu, d'une révolution à l'autre, entre 1830 et 1848, l'apprentissage de la démocratie en France. Fortes individualités que les individualités et les personnalités de ces femmes, qui dans la presse, par des pétitions, des romans, par leur action sociale, ont essayé de dire la vérité des mots, liberté et égalité. À l'occasion d'un colloque qui s'est récemment tenu à l'Université de Saint-Étienne pour commémorer la disparition de Flora Tristan, universitaires et chercheurs ont évoqué quelques-unes de ces femmes contemporaines de Flora. Ainsi donc, après avoir rappelé l'extraordinaire foisonnement d'idées et de créativité de cette période 1830-1848, nous évoquerons le personnage de Flora Tristan, celle qui fut la grand-mère de Gauguin, peut-être, mais surtout le témoin remarquable de la vie à Londres, de la vie au Pérou, de la vie des ouvriers français dans les années 1840. Nous rappellerons aussi d'autres femmes, et non des moindres, Jeanne de Rouen, Désirée Gay, Eugénie Niboyet, voix décalée et subversive. Et nous examinerons enfin les relations et le débat entre Flora Tristan et Georges Sand, deux noms vedettes dans le siècle, deux attitudes politiques au cœur du débat sur la démocratie. Et alors que nous venons de célébrer le cinquantenaire du vote des femmes, il n'était pas indifférent de rappeler les combats et les débats de celles qui, dans la foulée de la Révolution française, voulaient l'égalité des hommes et des femmes et s'interrogeaient, en fait, sur le sens de la citoyenneté. Michel Perrault, Michel Rios-Arcé, Madeleine Rébériou et Stéphane Michaud, nous allons donc peut-être commencer par parler de cette période 1830, 1848, 1852, cette sorte de milieu de 19e siècle. Quel est-il ? Est-il une période, comme vous le dites dans votre livre, Michel Rios-Arcé, une période d'insatisfaction chargée d'espoir ? Et par quoi est-ce que ça se traduit ? Michel Rios-Arcé. Cette période est effectivement une période qui a été bien étudiée, mais je crois qu'il y a encore beaucoup de travaux à faire. C'est une période d'exception et une période un petit peu fondatrice, parce que c'est une période qui nous permet en fait de saisir tous les espoirs qu'a suscité la Révolution de 1830, c'est-à-dire, comme le note très justement Maurice Aguelon, entre 1831, après la Révolution de 1830 et 1835, c'est un moment d'exceptionnelle liberté, un souffle de liberté. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, bien entendu, des insurrections multiples, une peur, une angoisse, et en même temps, une profusion de journaux, une profusion de textes, d'individus, parce qu'à ce moment-là, les porte-paroles ne sont pas véritablement mises en place, et les individus s'expriment librement. Et le grand mot d'ordre de cette époque, c'est la liberté, l'émancipation des peuples, du peuple, et l'émancipation des femmes. Et c'est la raison pour laquelle il est intéressant de travailler cette période, parce que on s'aperçoit qu'en définitive, contrairement à ce qu'on pense, l'évolution historique ne va pas dans le sens d'un progrès vers la liberté. Par exemple, juste un point, en 1831, eh bien, cette chambre censitaire des députés vote à deux reprises le droit au divorce, le rétablissement du divorce. On a peine à soupçonner, par exemple, que c'était pensé possible. Et en général, on a dit que les mentalités étaient en retard pendant cette période. Or, eh bien, il y avait ce souffle exceptionnel. Madame Rebellion. Oui, c'est aussi une période de foisonnement et de créativité, pour dire la vérité, sociale absolument extraordinaire. C'est alors que s'exprime, et pratiquement sur pied d'égalité, nous aujourd'hui nous introduisons des hiérarchies un peu trop facilement entre ces différents personnages, les porte-paroles du socialisme français. Aussi bien ce qu'on appelle les fourriéristes, les saint-simoniens, que mains autres. D'ailleurs, tout le monde a été plus ou moins saint-simonien et un certain nombre de gens ont été aussi un peu fourriéristes. Un homme comme Pierre Leroux, faut-il le caser ? Où faut-il caser ces dizaines et ces dizaines de penseurs ? Dont certains sont des hommes d'action comme Cabet, comme Considérant, dont certains sont des utopistes entiers, c'est-à-dire qu'ils vont créer des utopies. Hors de France, ils vont chercher des lieux où créer des sociétés utopiques, mais dont la majeure partie d'entre eux ne sont pas ainsi. Ce sont des analystes de la société dans laquelle ils vivent. Et un très grand nombre d'hommes et de femmes. Là, on pense à quelqu'un comme George Sand, parce qu'on est en train de travailler beaucoup sur elle en ce moment. Un très grand nombre d'hommes et de femmes se situent par rapport à cet incroyable foisonnement. Alors là, le fonctionnement de la société à partir de 1834-35, surtout, c'est quand même une date tournante dans ces années. Hein, la date à partir de laquelle les réunions publiques sont devenues impossibles, les réunions publiques sont soumises à une très, très sévère restriction. La traduction civique ou politique publique de ces théories, de ces pensées, devient très difficile. Mais la pensée est là. Notre maître Ernest Labrousse, Michel Perrault et à moi et à bien d'autres qui appartenant à cette génération, avaient coutume de dire que cette période était en effet une période de foisonnement de la pensée et de petitesse du mouvement. Il avait peut-être tort du point de vue de la petitesse du mouvement. On réhabilite aujourd'hui le mouvement à bien des égards. Néanmoins, il avait raison dans l'ensemble, le foisonnement de la pensée ne parvient pas à s'exprimer dans une vie publique sévèrement contrôlée, à partir en tout cas de 34-35. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Pour chanter Veni Creator, il faut une chasuble d'or. Nous en tissons pour vous, gens de l'Église, et nous, pauvres canuts, n'avons pas de chemise. C'est nous les canuts, nous sommes Stéphane Michaud. Oui, Madeleine Rébériou évoquait à l'instant le contrôle, et je crois que c'est quand même très important de le mentionner explicitement, c'est-à-dire qu'il y a une somme d'impatience qui est tellement contenue qu'elle ne peut qu'exploser. Je pense tout particulièrement au fait que la révolution de 89 est peut-être ancienne, mais qu'après tout, elle est fondatrice. Et cette révolution a été plusieurs fois escamotée. Elle a été poursuivie, mais dans un sens très particulier, par le premier consul, qui est devenu Napoléon Ier. Ensuite, eh bien, lorsque Napoléon a été battu au Waterloo, on a ramené un roi de l'étranger, et en ramenant ce roi de l'étranger, on a ramené les mœurs patriarcales d'un temps qui est désormais bien lointain pour la France de l'époque. On a ramené la religion, on a ramené le roi de droit divin. Et lorsqu'en 1830, le peuple de Paris fait la révolution, ou qu'un certain nombre de personnages prennent l'initiative d'une révolution, la révolution est escamotée. Et dans le drapeau tricolore dans lequel on drape le futur roi Louis-Philippe, on s'empresse surtout d'emballer les libertés individuelles et collectives qu'on n'a aucune envie de déclarer. Alors, dans un moment comme cela, on a l'impression que, justement, les idées sont en plein bouillonnement et que les possibilités d'expression sont éventuellement limitées. Alors, puisque la révolution a été escamotée, on va désormais rattraper le temps perdu, même si ça coûte cher. Et ce qui me frappe, ce sont les insurrections de 1831 réprimées dans le sang, les Canuts qui se soulèvent et dont le cri est resté quand même célèbre, vivre en travaillant ou mourir en combattant, tout simplement parce que la société est confrontée pour la première fois à un problème qui n'existait pas dans le passé et qui désormais est vraiment central, l'industrialisation de la France. La France commence vraiment à suivre l'Angleterre et du coup, il y a une sorte de, comment dire, d'insatisfaction générale, il est temps de poser les problèmes. Et c'est ce qui me semble si extraordinaire dans cette période, c'est que les problèmes sont là tous à la fois et que, eh bien, sur la scène publique, voici aussi qu'apparaissent tous à la fois dans une sorte de concert un peu discordant, mais d'une fécondité extraordinaire, tous ceux qui ont envie de prendre la parole. Et par bonheur, ce ne sont plus seulement ceux qui ont envie de prendre la parole, mais ceux et celles, même si les hommes aimeraient bien garder une tutelle et ne l'abandonnent pas facilement. Michel Perrault. Oui, tant d'apprentissage de la liberté, tant d'apprentissage de la démocratie, avec des désirs d'autant plus grands qu'il y a obstacles et répressions. Et que ça renforce encore davantage le désir, en définitive. Moi, je vois trois catégories qui s'agitent particulièrement. Les ouvriers, bien sûr, avec cette parole ouvrière que Jacques Rancière a si bien montré, le désir d'écrire des ouvriers qui grappillent sur leurs interminables journées un temps de soirée pour produire des textes que nous avons. Un Jules Leroux qui était un frère de Pierre Leroux et Charles Noiret, on pourrait les énumérer, avec désir de poésie, il s'exprime par la poésie et par la chanson, on aura peut-être l'occasion d'en reparler, et il y a des textes très nombreux qui ont intéressé une George Sand par exemple, et puis ils font pas que ça, ils font pas qu'écrire, ils organisent des associations, du compagnonnage, en passant par les sociétés de secours mutuels qui sont plus ou moins autorisées, qui souvent dissimulent des sociétés de résistance, c'est-à-dire des caisses de grève. Et enfin, on n'a pas le droit de grève, donc c'est interdit, mais on fait ce qu'on appelle des coalitions. Or, il y a, à cette époque-là, de plus en plus de coalitions, notamment autour de 1840. C'est un moment, notamment à Paris, où on voit défiler des cortèges ouvriers. Et alors, ce qui est très intéressant dans ces cortèges ouvriers, c'est qu'ils ne revendiquent pas uniquement pour le salaire, ils revendiquent contre la peine de mort et contre les fortifications de Paris, parce qu'on veut à l'époque mettre des fortifications, ils disent on veut pas que Paris soit la Bastille. Donc c'est un mouvement ouvrier très large, qui prend en compte toutes sortes de choses dans la société. Bon, deuxième catégorie, la jeunesse. Faut pas oublier que l'époque, nous sommes en plein romantisme, et que la jeunesse est un mot qu'on emploie, et ce mot correspond évidemment à plus ou moins de choses selon les catégories sociales, mais assurément à la jeunesse étudiante. Sur ce point, les très beaux travaux de Jean-Claude Caron, qui s'appelle « Génération romantique, le quartier latin 1815-1848 », nous racontent la vie extraordinaire du quartier latin, plus que les autres villes de province, faut le dire, parce que les étudiants étaient surtout concentrés là. Parce qu'il n'y a pas d'étudiants ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'étudiants ailleurs. Mais là, ils sont très très nombreux, et ils revendiquent perpétuellement. Enfin, il y a vraiment une animation très grande. Et naturellement, les femmes. Mais ça, on va en parler. Ces ouvriers, cette jeunesse, ces femmes, où les rencontre-t-on ? Vous parliez, Michel Perrault, des coalitions. On a déjà mentionné les cercles saint-simoniens, les fourriéristes. Quelle est la place, le rôle de tous ces cercles, associations ? Mais vous avez les ouvriers, on les rencontre Madame aussi Madame. Dans leurs entreprises, ou bien on les rencontre quand ils se réunissent pour décider au suffrage universel des choix sociaux qu'ils vont faire. Moi, je pense par exemple aux ouvriers typographes qui jouent un très grand rôle pendant cette période. Michel évoquait Jules Leroux, frère de Pierre Leroux, tous les deux sont des typos. Et Jules Leroux, c'est l'homme qui, en 1843, l'année 1833, il reprendra en 1843, anime un rassemblement, pas une coalition, il n'y a pas de grève, il n'y a pas d'arrêt de travail. Enfin, pas d'arrêt de travail, ils arrêtent de travailler puisqu'ils vont se réunir toute une journée. Anime donc un rassemblement de tous les ouvriers typographes de Paris, il y en a 4000 et Paris, il y en a plus de 3000 qui se réunissent à l'appel de Jules Leroux. Et ils se réunissent dans une immense salle commune. En 1933, les interdits ne sont pas encore ce qu'ils seront 2 ans plus tard. Et ils votent au suffrage universel sur la question suivante. Choisirons-nous pour nous défendre de créer des coopératives, c'est-à-dire d'imaginer que le monde ouvrier peut s'organiser sans patron? Rêve. Ouvriers rêvent particulièrement fort, d'ailleurs, dans le monde des travailleurs, des ouvriers du livre. Bon. Où choisirons-nous de nous définir comme des salariés, donc nous organiser avec des sociétés diverses qu'on appellera bientôt des syndicats, enfin, peu importe le mot, et de nous battre pour notre salaire, pour l'organisation de notre travail. Alors, ce sont des initiatives qui ne sont pas bien connues, mais ça suppose que, atelier après atelier, il y a des correspondants qui rameutent les travailleurs, du livre, les typographes, qui les rassemblent à l'appel de Jules Leroux, et le choix qu'ils font, c'est le choix du salariat. C'est-à-dire qu'on peut dire que l'aspiration à la coopérative, qui pourtant va être très importante pendant toute la période, on la verra en 1848, dans un monde d'ouvriers anciens qui n'ont jamais été compagnons, qui n'ont jamais été compagnoniques, ça n'a jamais existé, il n'y a pas de compagnonnage, dans ce monde ancien, ils choisissent le salariat contre la coopérative, au suffrage universel, des ouvriers typographes parisiens. On voit bien ce que c'est que le suffrage universel. Il fonctionne aussi dans l'atelier et dans les rassemblements d'ateliers. Il y a donc là une articulation très étroite entre la voie politique, le suffrage universel, l'atelier et la voie sociale. Tout à fait à l'écart, apparemment, de ce foisonnement de créativité et de théorie que j'évoquais tout à l'heure. En réalité, certainement très près. Parce que ces ouvriers, c'est eux qui composent les textes, c'est eux qui impriment les textes de nos grands socialistes du début des années 1830. C'est eux qui ont composé et imprimé le Globe, le journal Capital, pendant toute cette période. Donc en réalité, ils savent de quoi ils parlent. Et le choix du salariat. Incroyable. Michel Perrault. Où les rencontre-t-on, demandiez-vous, il y a une sociabilité extrêmement vive, bien étudiée par les historiens depuis quelque temps, une sociabilité de quartier, c'est les migrants qui viennent vers les villes, et il y a un fort mouvement de migration vers les villes à cette époque, ne sont pas des gens livrés à eux-mêmes. En réalité, les ethnies, si on peut employer ce mot... Solidarité. Oui, absolument. Prenez les Auvergnats, qui sont les mieux organisés de tous, ils se retrouvent à Paris, dans certaines rues, dans certains quartiers, par exemple la rue de Lappe. Et il y a même des femmes du pays, généralement d'un certain âge, parce qu'il faut être respectable, qui viennent pour tenir la cuisine commune. C'est raconté dans beaucoup de souvenirs. Les Creusois avec Martin Nadeau en font autant. Alors il y a cette vie-là. Et puis d'autre part, il y a les cafés, les goguettes. Alors les goguettes, c'était des cafés qui étaient aux barrières. Pourquoi ? Parce que au-delà du mur d'octroi, le vin se payait moins cher. Donc on établissait les goguettes juste de l'autre côté du mur et on allait là se distraire et pour pouvoir boire et chanter. Alors on y allait le dimanche avec la femme et les enfants, en famille, et le lundi avec les camarades, parce que l'artisanat parisien de cette époque-là fait le lundi, on ne travaille pas le lundi. Les mauvaises langues ajoutent, et c'était d'ailleurs pas totalement faux, que quand on a bien gagné, on ne rentre pas non plus le mardi, puis peut-être pas toujours le mercredi non plus. Michel Rion-Sarcet. On les rencontre, comme le dit Michel, effectivement dans des lieux de sociabilité multiples. Il y a profusion de lieux de sociabilité à cette époque. Et il est très difficile de parler de cette période sans évoquer le poids considérable des Saint-Simoniens. C'est-à-dire que les Saint-Simoniens ont bien compris précisément cette volonté d'accéder à la liberté et surtout cette volonté d'accéder au savoir. Ce qui est vraiment important à bien comprendre, c'est que ces Saint-Simoniens ont organisé des cercles, disons, de propagande par des moyens les plus modernes. Ils diffusaient très largement leur journal Le Globe dans toute la province, gratuitement, et puis ils organisaient aussi des cercles d'instruction, des cercles d'enseignement, et à l'intérieur de ces cercles, effectivement, les femmes avaient la possibilité, y compris d'instruire les ouvriers. Alors, qui sont-elles les femmes que l'on retrouve dans les cercles Saint-Simoniens ? Juste un tout petit point, parce que Madeleine parlait des utopistes. À cette époque, il me semble que ces utopies ont effectivement un poids considérable, ont une influence considérable. Les Saint-Simoniens ont su lire Fourier qui, le premier, a pensé la transformation des rapports sociaux avant la transformation des rapports politiques. Et c'est pourquoi, après cette révolution de 1830, avec cette lecture spécifique de Fourier qui donne une place à l'égalité des sexes exceptionnelle, eh bien, à ce moment-là, il y a adhésion, c'est-à-dire que l'échec de la révolution de 1830 se transforme par une nécessité de transformer ces rapports sociaux. Avec les deux mots d'ordre qui ont une influence considérable chez les Saint-Simoniens, c'est l'abolition de l'héritage et l'égalité des hommes et des femmes, ce que retiendra bien sûr essentiellement Jeanne de Rouen, Désiré Gay et, d'un certain point de vue, Eugénie Niboyer. Ces femmes que l'on retrouve, en particulier dans les cercles saint-simoniens, d'où viennent-elles? Qui sont-elles? De quel, on peut dire, de quel milieu social? Michel Rieu-Sarcey ou Michel Perrault? Michel est peut-être mieux placé que moi pour en parler. De façon générale, moi, ce que je dis, c'est à travers les travaux que j'ai lus, elles sont peut-être d'un milieu plus populaire que seront les troupes féministes, disons des années 80, parce qu'à nouveau, vers 1900, il y a une très grande démocratisation. Elles viennent du milieu populaire, elles viennent du peuple en général, avec naturellement des différences. On voit des ouvrières comme Désirée Véret, on voit une Jeanne de Rouen dont on apprend qu'elle a été une autodidacte, qu'elle a appris à lire toute seule, au point que quand elle passe son certificat, un examen pour être institutrice, elle est d'abord collée parce qu'elle écrit comme dans les livres. Alors elle fait des caractères d'imprimerie, ce qui évidemment ne se fait pas. Eugénie Niboyer étant d'un milieu évidemment plus aisé. Mais en 1830, elle se dit souvent ouvrière, elles se disent femmes du peuple quand on les voit à travers cela. Je ne sais pas ce que Michel en pense. Ah oui, Michel Rieu-Sarcey. Effectivement, bon nombre de Saint-Simoniennes sont d'origine populaire. Je pense en particulier, en dehors de celles sur lesquelles j'ai travaillé, Suzanne Voilquin, Marie-Reine Guindorf, et plusieurs sont de milieux très très peu aisés. Mais malgré tout, l'influence Saint-Simonienne marque tous les milieux. C'est la raison pour laquelle aussi George Sand est intéressé dans un premier temps par les idées saint-simoniennes. Mais les militantes, au sens moderne du terme, celles qui s'engagent dans le saint-simonisme, sont pour l'essentiel des femmes d'origine populaire. À l'exception de celles qui avaient été intégrées, je pense à Claire Bazard, bien sûr, qui avait été intégrée dès le début dans la hiérarchie saint-simonienne, mais dès l'instant où le mouvement est lancé, celles qui, en fait, s'engagent complètement, se donnent à la cause du peuple, de manière complètement, je dirais presque, pas simplement utopique, mais d'un engagement plein et entier, eh bien là, effectivement, ce sont des femmes d'origine populaire. Désirée Véret est la figure exemplaire de cet engagement, puisqu'elle adhère à l'émancipation des peuples et des femmes, et elle confond, non pas de manière inconsciente, l'amour des hommes et l'amour du peuple. Pour elle, c'est un même engagement. Et c'est la femme de France que nous aimons le mieux. C'est la femme Flora Tristan elle-même passe par ces cercles saint-simoniens. Oui, moi ce qui me paraît tout à fait étonnant, c'est de voir que les femmes vont bien au-delà de ce que leurs émancipateurs hommes souhaiteraient d'elles. Parce qu'au fond, il y a une hiérarchie saint-simonienne, on l'évoquait à l'instant, et dans cette hiérarchie, on a prévu la place des femmes. Mais celles qui ont laissé un nom dans l'histoire et celles sur lesquelles on travaille aujourd'hui, ce ne sont pas celles qui ont pris leur place dans la petite case qui était prévue pour elles, ou une petite case dorée, avec le cas échéant tous les honneurs et les tapis rouges que l'on pourrait rêver. Mais ce n'est pas cette papesse saint-simonienne qui a fait l'histoire. D'ailleurs, qu'on demande à George Sand, elle a dit « non merci, pas pour moi ». Il y en a un certain nombre d'autres qui ont tout simplement conclu de la sentence de Saint-Simon, l'individu social c'est l'homme et la femme, qui en ont conclu que du coup la femme était majeure, qu'elle pouvait vivre en démocratie, et loin de chercher les honneurs, elles pratiquent ensemble une forme de solidarité, d'intervention qui effraie les hommes, c'est-à-dire que enfantin garde ses subventions sous le coude, rien n'ira aux femmes, pas question d'encourager celles qui sont infidèles puisqu'elles ont le mauvais goût d'agir toutes seules. Oui, le saint-simonisme, par la déception même que les femmes ont pu en ressentir, a probablement joué un rôle important. Le discours saint-simonien est grandiose. Les prolétaires et les femmes. Hein. C'est les deux forces d'avenir et il faut les allier. Mais dans la réalité des faits, Enfantin se révèle très patriarcal. Il met les femmes à ses pieds, il en attend des hommages et il les fait sortir un petit peu de terre et puis pan, il leur remet le couvercle absolument par-dessus. Il y a un très beau livre qui a été publié il y a quelques années. C'est tout simplement le texte de Claire Desmarres, saint-simonienne bien connue, qui s'appelle « Ma loi d'avenir ». qui a été republié en 1834. C'est un texte de 1834 qui a été republié avec une préface de Valentin Pelos. Et il analyse bien cette espèce de contradiction qu'il y avait dans le saint-simonisme, qui a révolté beaucoup de femmes, et qui peut-être, effectivement, leur a donné un certain sens d'elles-mêmes. La déception était forte de ce point de vue. Michel Perrault a tout à fait raison et elle fait référence à ce livre qu'on oublie trop souvent, qui est absolument remarquable, de Valentin Pelos, avec sa préface. Et en fait, ce qui était extrêmement intéressant, c'est que les saint-simoniens préféraient le terme d'affranchissement parce qu'ils voulaient affranchir les femmes alors que celles-ci souhaitaient s'émanciper. Et il y a eu incontestablement un conflit entre les hommes et les femmes, dans la mesure où la femme libre, comme je le dis dans un chapitre, c'était une affaire d'homme, restait une affaire d'homme pour les saint-simoniens. Écoutez, est-ce que c'est pas à Claire Desmarres que l'on doit cette formule « la parole de la femme sera nécessairement scandaleuse », ce qui marque bien ce que vous disiez à l'instant. Simplement, je crois qu'il ne faudrait pas non plus idéaliser, s'il y a une force tout à fait extraordinaire du côté des femmes, une capacité d'invention et une pratique réelle de la démocratie, puisque on évoquait le nom de Flora Tristan, voilà bien l'une des femmes qui ont marqué le mouvement, mais elle intervient avec toute sa fierté aristocratique. Et cette fierté aristocratique, on n'arrivera pas, en dépit de la sincérité de cette femme, à l'oublier. Et je crois que dès lors, le débat est aussi particulièrement fécond et intéressant, parce qu'on n'est pas sur une sorte de terrain des idées, mais chaque tempérament agit, intervient, et je crois qu'il n'y a pas de tâche plus urgente, et après tout, autour de la table, nous le savons tous et toutes, ce combat est varié en fonction de l'histoire personnelle de chacun, en fonction peut-être même des souffrances personnelles de chacun, et je crois que le débat resterait abstrait si l'on n'y mettait pas aussitôt des noms et des destins. Ouais. Le cas échéant d'ailleurs, et c'est peut-être en tant que littéraire que j'aimerais apporter cette petite contribution, des destins qui ont été relayés jusqu'à nous par des grands poètes, je pense à André Breton, je pense aussi plus modestement à Verlaine par exemple. Verlaine, exilé en Angleterre au lendemain de la Commune, fait une chanson en l'honneur de Louise Michel. Louise Michel est très bien. Mais cette Louise Michel qui est très bien s'inscrit dans une longue litanie presque. Et qu'est-ce qui vient devant? Pauline Roland. Et je dirais cette solidarité que les poètes ont éprouvée et qu'ils continuent encore à éprouver vis-à-vis de femmes comme Pauline Roland, comme Flora Tristan et d'autres, parce que toute notion d'exemplarité serait au fond sotte, cette solidarité, je crois, indique une voie d'avenir et de cette force tonique, stimulante et finalement chaleureuse de l'utopie. Ce qui est extraordinaire, c'est que, par exemple, Walter Benjamin a redécouvert dans ses recherches à Paris, et ça a été publié dans Paris au XIXe siècle, le passage, a redécouvert Ma loi d'avenir de Claire Desmarres. Comme si précisément cet appel de Claire Desmarres était compris ensuite par Benjamin en son temps comme quelque chose effectivement, non pas d'exceptionnel, mais réellement montrant l'actualité de cette émancipation réclamée à corps et à cri par une femme aussi exemplaire que Claire Desmarres. Mais n'oublions pas quand même que Claire Desmarres, justement, en son temps, s'est suicidée. Ben voilà, en montrant la tragédie. Comme Marie-Reine Gindorf également. C'est dire à quel point l'espoir suscité par les saint-simoniens a été à la fois un grand élan vers la liberté, mais également un immense échec. Quand apparut la République dans les éclairs de février, tenant en main sa longue pique, la France fut comme un brasier. Dans nos vallons et sur nos cimes verdit l'arbre de liberté, mais les 45 centimes et juin plus tard ont tout gâté. Pour quand viendra la belle, des 100 ans que j'en guetterai ta belle République des paysans, République des paysans. C'était Parcours de femmes dans la démocratie par Geneviève Ladouès. Premier volet, 1830-1848, une insatisfaction chargée d'espoir. Une émission diffusée pour la première fois le 9 mai 1994. Tout de suite, le deuxième épisode de cette série, Flora Tristan, un fabuleux destin. Heureux ceux qui, sur cette terre, ont une existence brève et lumineuse, écrivait Flora Tristan. elle qui se brûle littéralement à son petit livre de l'Union ouvrière, programme et appel pour la constitution des ouvriers en classe indépendante, un ouvrage qui la lance sur les routes de France où elle meurt à l'âge de 41 ans en 1844. Le titre de son premier livre, quelques années plus tôt, était « Les pérégrinations d'une paria ». 150 ans après sa mort, un colloque qui s'est tenu il y a peu à l'université de Saint-Étienne replaçait cette femme dans son temps, 1830-1848, un temps au souffle exceptionnel, aux idées en plein bouillonnement. Émile Lehoucq, professeur à l'université de Toronto. En fait, j'ai découvert Flora Tristan dans les entretiens d'André Breton, et c'est dans le même livre d'ailleurs que j'avais découvert Fourier. Enfin, Fourier, je le connaissais déjà un peu, mais disons, c'est l'enthousiasme d'André Breton qui m'a encouragé à l'étudier vraiment à fond. Et j'ai découvert donc ses quelques remarques où dans son style inimitable, Breton faisait un éloge très approfondi de Flora Tristan. Et alors, à ce moment-là, je ne crois pas que je connaissais le nom de Flora Tristan. Alors, j'étais intrigué, j'ai un peu feuilleté ses œuvres. Il existait quand même à l'époque déjà une anthologie de Lucien Scheller sur Flora Tristan, qui est une anthologie tout à fait remarquable. Et je crois que c'est un petit scandale qu'elle n'ait jamais été rééditée. Ce qui m'intéressait surtout à l'époque chez Flora Tristan, c'était les idées sociales, et c'est ce qui m'intéressait aussi chez Fourier. J'étais un peu scandalisé, enfin, qu'une femme aussi remarquable et qui écrivait bien, ce n'était pas du tout un galimatias à ses œuvres, hein, qu'une œuvre aussi remarquable soit pratiquement inconnue. Hein. Mais enfin, j'ai pris beaucoup de plaisir à découvrir l'œuvre de Flora Tristan, Pérégrination d'une paria, qui est en fait du grand reportage. C'est pas, l'œuvre que je préférais, c'était Promenade dans Londres, parce que c'est vraiment dans ce livre qu'elle est, elle développe ses idées sociales, qu'elle combat les injustices. C'est plus tard, évidemment, que j'ai découvert son Tour de France, puisque en 1960, il n'était pas encore accessible. Jules Pouèche avait voulu éditer ce Tour de France avec des notes tout à fait remarquables, mais il n'avait pas trouvé d'éditeur. Et c'est finalement vers 1970-71, je crois, qu'il y a un éditeur courageux au nom un peu inattendu de Tête de Feuille, qui ont édité donc, ce Tour de France. Ce Tour de France qui donne, à mon avis, une image un peu différente de Flora Tristan. Enfin, différente des Promenades dans Londres, c'est la Flora Tristan mystique et qui se compare au Christ crucifié. C'est une femme finalement très isolée, qui comprend qu'elle a des rapports difficiles avec les autres êtres humains, qui donc essaye de compenser cela en se mettant totalement au service de l'humanité. Et alors cette mission est presque divine, enfin, puisque c'est Dieu qui lui a donné cette mission. Et probablement, si elle avait vécu plus longtemps, elle aurait évolué vers le mysticisme. Un extrait du Tour de France de Flora Tristan, son premier séjour à Lyon, des Tisserands sur la Croix-Rousse. Nous entrâmes dans une chambre servant à la fois de chambre à coucher, de cuisine et d'atelier, éclairée seulement par un côté. La femme était à un métier et l'homme à un autre. En m'apercevant, l'homme devint tout rouge, tout effaré. La femme aussi parut dans un grand émoi. Ne concevant rien d'abord à leur agitation, je m'empresse de les rassurer dans des termes tout à fait rassurants sur le motif de ma visite. L'homme s'approche et je m'aperçois qu'il est presque nu. Le pauvre homme fait tout ce qu'il peut pour tâcher de couvrir ses épaules, son cou, avec une petite blouse qui la communique vêtement. Il me balbutie quelques excuses et enfin, après un moment d'hésitation, pendant lequel la femme avait les traits tout contractés, elle me dit, comme par un effort désespéré, « Mon Dieu, madame, puisque vous nous avez surpris. Mon mari vient de revenir du magasin rendre son ouvrage. Sa chemise est toute mouillée de sueur. Elle était là, sur la fenêtre, asséchée. Et, eh bien, madame, il ne peut pas en mettre une autre pour vous recevoir, car il n'en a pas d'autre. » En achevant ces mots, sa voix s'altéra, les larmes l'étranglèrent dans la gorge. Elle se tordit les mains en signe de désespoir le plus violent. Il eut là un moment sublime de douleur muette et poignante. Le style de Flora Tristan est un style fort simple, c'est-à-dire elle raconte ce qu'elle a vu, elle le raconte très bien, son style est très coloré, elle a une aptitude à saisir le côté pittoresque des choses. Ce style passe facilement à l'indignation lorsque elle voit des choses qui lui paraissent insoutenables, notamment, je pense à cette scène dans Promenade dans Londres où elle voit des jeunes gens ivres qui jette des ordures sur une prostituée qui la traite vraiment de paillasson. Alors elle est d'autant plus scandaleux dans l'esprit de Flora Tristan que c'est une fille magnifique. Hein. Eh bien, ce sont des scènes qui frappent fortement l'imagination et je crois que Flora Tristan est un écrivain remarquable. Flora Tristan est née en 1803. Elle est la fille naturelle d'un colonel né au Pérou d'une vieille famille espagnole. Elle se marie en 1821, se sépare de son mari en 1825. Elle a 3 enfants. Elle s'embarque pour le Pérou en 1833, revient l'année suivante. 1837, publication des Pérégrinations d'une paria. 1838, un premier roman, Mes fils. 1839, 4e voyage en Angleterre. Elle publie Promenade dans Londres l'année suivante. 1843, Travail sur l'Union ouvrière. Elle meurt donc en 1844 à Bordeaux, au cours de son tour de France. Mais revenons donc à 1838 et le roman « Mes fils », Pascal Eustache, chercheur. Flora Tristan s'incarne à travers deux des héros du roman, à travers Mariquita d'abord, qui est la jeune femme soumise aux dures contraintes de son temps, mais surtout elle porte sa parole à travers le personnage de « Mes fils ». Et elle délivre son message de femme combattante à travers cette parole. Mes fils, c'est Mariquita, donc l'héroïne du roman, qui nomme le personnage Mes fils. Il a bien d'autres noms, il s'appelle Jean Labarre, il s'appelle John Desbury, mais Mariquita choisit de le nommer, et elle le nomme en personnage inquiétant qu'il est, car lorsqu'elle le découvre en héros ténébreux et inquiétant, et elle ne sait pas lui donner d'autre nom que celui de ce Mes fils, qui est le raccourci de Méphistophélès. Il est dangereux parce qu'il est à la fois héros de roman gothique, il est le Méphistophélès, et à la fois porteur d'une doctrine sociale et qui représente un danger pour la société de l'époque, bien sûr, puisque ses idées sont novatrices. Or, c'est cela, le but de ce héros est de réformer la société. Donc, il est fondamentalement dangereux. Comment est l'écriture de Flora Tristan dans ce roman ? C'est une écriture riche, c'est une écriture dense, et c'est aussi une écriture qui ne nous est plus très facile à lire. Et du point de vue de la construction, est-ce qu'il est construit comme tous les romans populaires ou est-ce qu'il en diffère justement ? Justement, oui, il en diffère. Il en diffère parce qu'il ne suit pas la linéarité de l'intrigue qui est chère aux romans populaires, ni son ordre chronologique. Il est construit par 2 récits. L'un, le récit de la vie de mes fils, donc, et l'autre, le récit de la vie de Mariquita. Et c'est seulement à la fin du roman que les 2 personnages se rejoignent pour vivre une aventure ensemble. C'est donc une construction toute différente et très complexe. C'est peut-être aussi ce qui explique qu'il n'ait pas été publié en feuilleton. Parce que le lecteur de romans populaires doit pouvoir se repérer dans une chronologie temporelle qui, là, est difficile à suivre. Ah, si vous connaissiez toute la masse de misère qui accable les esclaves de la propriété, les douloureuses angoisses de ce peuple dont on parle tant et dont on s'occupe si peu, vous frémiriez à ce nom de prolétaire. Vous seriez indigné de l'égoïsme du riche et surprise de la patience du pauvre. À la vue des haillons, des figures blêmes, des membres décharnés de cette foule de mendiants qui inondent les villes et les campagnes, vous comprendriez pourquoi les hôpitaux, les prisons et les bagnes se remplissent. Pourquoi des êtres à qui Dieu avait départi l'énergie de l'âme et la sensibilité du cœur pour servir leurs semblables en deviennent le fléau et sont à 32 ans des Méphistophélès qui passent les nuits dans l'agitation de la fièvre à arriver le mal, les jours à le faire. crois que des auteurs comme Fourier, comme Flora Tristan sont profondément liés au mouvement romantique. Émile Lehoucq. Comment s'inscrit Flora Tristan dans cette période? Eh bien, par ses attaches romantiques. Nous avons parlé de son roman Méphis, qui est un roman populaire, qui est un roman un peu mélodramatique. Et elle a participé au Saint-Simonisme. Elle était aussi assez profondément influencée par Fourier. Elle a eu son époque fourriériste. Oui, elle a été voir Fourier. Nous avons quelques échanges de lettres. Donc, à un moment donné, elle l'admirait beaucoup. Elle était prise par cette idée du phalanstère, par cette imagination, un peu comme Proudhon. Un très court moment a été saisi par l'intensité de la pensée de Fourier, puis il a complètement abandonné. Dans le cas de Flora Tristan, c'est un peu différent. Elle n'a jamais vraiment rejeté Fourier, mais elle s'en est éloignée. Elle s'est surtout éloignée des fourriéristes. De considérants. Oui, il faut dire que considérants a eu une attitude parfois un peu bizarre. Par exemple, je ne sais plus en quelle année, on interdit à Flora Tristan de participer au banquet pour l'anniversaire de Fourier, simplement parce qu'elle est une femme. Et c'est absolument incroyable, puisque Fourier est un des grands promoteurs du féminisme. Il est même l'inventeur du mot féminisme. Donc à ce moment-là, Flora Tristan est un peu dégoûtée. Et dans son Tour de France, on voit qu'il y a toutes sortes de réflexions assez défavorables sur les fourriéristes en général. Le parcours de Flora Tristan entre 1830 et 1848 dans une France qui apprend la démocratie. Flora Tristan brûle ses dernières forces dans son tour de France en 1844. Voici le récit d'une des étapes, mise en lumière au cours du colloque récent qui s'est déroulé à Saint-Étienne par Didier Nourisson, professeur d'histoire à l'université. Flora arrive donc en juin à Roanne, juste après des grèves très dures des mineurs de Rive-de-Gier. Je crois qu'on pourrait retenir au fond deux noms principalement. Celui d'Auguste Guyard, d'abord, à Roanne, et celui de Tristan Duché, à Saint-Étienne. Auguste Guyard, c'est un personnage assez extraordinaire, né dans le Jura, tout comme Fourier lui-même, fourriériste par conséquent, qui s'intéressait spécialement à l'éducation populaire. Il a fondé un journal qui s'appelle « Le Progrès de la Loire », qui n'a eu malheureusement que quelques numéros. Auguste Guyard a beaucoup milité en faveur du mouvement ouvrier, proposant même aux ouvriers de créer une société coopérative, essayant de regrouper un petit peu les ouvriers donc dans leur lutte contre l'exploitation patronale. Alors à Saint-Étienne, la personnalité de Tristan Duché est encore plus intéressante. Tristan Duché était avocat et c'est en tant qu'homme de justice qu'il a pris la défense des mineurs et des passementiers, les deux grandes catégories socio-professionnelles, comme on dirait aujourd'hui, de la ville. En 1844, Duché est encore là pour défendre les leaders de la mine lors des incidents de Rive-de-Gier. À Saint-Étienne, il faut dire aussi, à propos de la presse, qu'il existait deux journaux fourriéristes. Donc on était vraiment dans un milieu socialiste, utopique sans doute, mais socialiste sûrement, intéressant, disons, pour Flora Tristan. Alors, ce qui est étonnant, c'est que Flora Tristan, donc en juin 1844, passe 4 jours à Roanne, 1 semaine à Saint-Étienne, et qu'en fait, si on veut, de façon un peu caricaturale peut-être, mais quand même, tirer un bilan, ou tirer avec elle un bilan de ces 2 séjours rapides, c'est qu'elle est déçue. Effectivement, elle est passée d'abord trop vite. Elle n'a vu les ouvriers, que ce soit à Roanne ou à Saint-Étienne, que comme des bêtes brutes. Pourquoi ? Eh bien parce que ce sont des ouvriers qui viennent de la campagne, premièrement. Alors elle, la citadine, la parisienne, elle comprend déjà très mal les gens de la campagne. En plus, ce sont des gens de la campagne, d'une campagne, il faut le dire, assez reculée, que ce soit les monts du Vivarais ou les monts d'Auvergne. Ce sont des gens habitués à la souffrance, donc qui, d'une certaine manière, acceptent ou subissent passivement l'exploitation qu'on leur offre en ville au prix d'un salaire qui apparaît à Flora Tristan comme dérisoire, scandaleux, mais qui, pour ces paysans habitués à de très dures conditions de vie en montagne, apparaît comme un salaire convenable, somme toute. C'est ça, il y a un paradoxe terrible. En plus, ces ruraux sont illettrés, ne comprennent que le quart et à peine de ce qu'elle dit. Comment voulez-vous, dans ces conditions, les inviter à s'unir pour une défense prolétarienne quelconque ? Et en plus, elle est reçue, en particulier à Saint-Étienne, elle est reçue avec une sorte d'indifférence polie par ceux qui pourraient être considérés comme des hommes éclairés par les républicains. Quelques jours avant son arrivée à Saint-Étienne, le journal de Saint-Étienne, qui était un journal fourriériste, avait fait paraître un article antiféministe dont il serait peut-être pas inutile de lire un très court extrait, parce qu'il me paraît très représentatif de cette mentalité machiste, sexiste, si l'on veut. Voici ce que dit ce journal. Où en serait, s'il vous plaît, le charme de la vie, les joies intimes de la famille? Où en serait aussi le bon goût avec la femme déshéritée de ses grâces de femme? Que deviendrait, bon Dieu, notre société déjà si terne, si on lui enlevait le seul diamant qui lui reste? Si les femmes avaient une fois perdu l'avantage inappréciable de protection et d'amour qu'elles doivent à leur délicatesse organique, à leur longue et délicieuse enfance, à leur minorité légale? Et puis un extrait d'un article signé Jules Janin, il est stéphanois. L'article a été publié dans la Sylphide. Elle parlait en s'animant par degrés, puis redevenait pensive. Elle était active une heure, puis après, elle s'abandonnait à sa nonchalance naturelle. Elle avait des aperçus très vrais sur le monde extérieur. Mais bientôt, les nuages du rêve, tout éveillés, et le fabuleux labyrinthe des châteaux en Espagne venait briser cet élan de raison. Il faut dire que Jules Janin était plutôt du genre dandy, plutôt libertin, aimant les femmes. Il a été intrigué, je crois, par Flora Tristan, qui n'était pas une femme facile du tout. C'est une femme seule, c'est quelqu'un qui aime la solitude. Paria, elle l'est et elle veut l'être. Elle ne veut surtout pas s'enraciner, s'implanter. C'est ce qui la rend à la fois attirante et agaçante. Hein. Je crois que c'est un personnage qui ne laisse sûrement pas indifférent. (1843-1844) Flora Tristan, l'apôtre de l'Union ouvrière. Flora Tristan dans l'histoire du mouvement ouvrier. Maurice Agulon. J'avais à étudier la première grève importante des ouvriers de l'arsenal de la marine au printemps de 1845. Et les autorités, naturellement, qui accumulaient les rapports sur cet événement un peu subversif, quoique non violent, ont découvert les auteurs et ont fait le rapprochement. Il n'y avait aucun doute, c'était bien les mêmes. C'était les quelques ouvriers qui, un an plus tôt, avait reçu Flora Tristan et avait essayé de fonder un cercle de l'Union ouvrière sur ses instructions. Alors, c'est important parce que cela montre que Flora Tristan n'a pas eu que des déceptions avec les ouvriers. Elle n'a pas rencontré que des isolés ou des excentriques. Il lui est arrivé quelquefois d'être branché sur des gens qu'on peut déjà qualifier de militants, un peu insérés déjà dans les débuts d'organisation du monde du travail. Ces jeunes gens appartenaient à une autre organisation, la Société de l'Union, et qui était une dissidence du compagnonnage. Je veux dire, Flora Tristan est un peu à la charnière des organisations ouvrières de type ancien, c'est-à-dire compagnonique, et de ce que nous considérons comme plus nouveau, plus novateur, plus pré-syndicaliste. Les ouvriers de Toulon dont j'ai parlé étaient des gens parfaitement obscurs et qui le sont restés. Il y avait à Toulon un ouvrier qui attirait l'attention parce qu'il avait publié quelques volumes de vers de bon talent, c'était l'ouvrier maçon Charles Poncy, qu'on cite souvent dans le sillage de George Sand, qui était un peu son patron en littérature. Flora Tristan pensait un peu naïvement qu'un ouvrier qui avait acquis quelque notoriété serait assez naturellement un porte-parole des luttes pour l'amélioration du sort de ses frères. Elle s'est rendue compte que Charles Poncy cherchait plutôt dans sa notoriété une façon de s'en sortir pour lui-même, plutôt que de prendre le risque de se transformer en militant. Toujours est-il que Charles Poncy a trouvé l'occasion d'être précisément absent de Toulon au moment où Flora Tristan y passait, et dans son tour de France, elle s'en plaint amèrement. Peuple océan qui se rue, craignez le flux ou le reflux, donnez la terre à la charrue et le pain ne manquera plus. Il y a eu un certain nombre de région de France, des ouvriers qui se sont distingués par des productions poétiques de plus ou moins bon aloi, mais enfin encore lisibles, si vous le voulez, des petits romantiques, des romantiques de province. Mais il ne faut quand même pas être trop injuste. Ces ouvriers avaient quand même un certain sens social, en ce sens que ils pensaient améliorer le sort de leur classe en prouvant que dans leur classe, on pouvait quand même, de temps en temps, faire des choses aussi bonnes que les bourgeois quand on avait un peu d'instruction. Je veux dire, ils ne pensaient pas émanciper leur classe ouvrière par la lutte, mais par la démonstration que nous aussi, nous pouvons faire des choses bien si on nous en donne les moyens. Mais évidemment, pour Flora Tristan, ça ne suffisait pas. Elle pensait qu'il ne suffisait pas de montrer la capacité intrinsèque de la classe ouvrière et qu'il fallait en plus que celle-ci s'organise dans la fameuse union ouvrière pour former ces fameux palais du peuple. Justement, dans ce Tour de France de 1844, elle essaie, plus que de placer ses brochures de l'Union ouvrière, elle essaie de convaincre patiemment les ouvriers qu'elle rencontre qu'il faut qu'ils s'organisent. Mmh. Hein, il y a là une sorte de tournée militante et tout se joue en quelques mois parce que la brochure paraît au début de l'année, elle va mourir au mois de novembre. Mmh. On peut se dire d'ailleurs en même temps qu'elle a une force de persuasion. Si elle fait des émules à Toulon, par exemple, ça veut dire que la force de contagion, de persuasion et de contagion des idées de Flora Tristan sur l'Union est forte. Oui. Flora Tristan était, je crois qu'il faut y insister, donc profondément, ce qu'on appellera par la suite, ouvriériste, un sens de classe. Les ouvriers doivent faire par eux-mêmes, ne doivent pas se laisser guider par même les bourgeois de bonne volonté. On était sous la monarchie de Juillet, donc de le régime fondé par la Révolution de 1830. Et toute l'opinion de gauche, enfin, pensait que ce qui caractérisait cette Révolution de 1830, c'est qu'elle avait été faite à Paris par le peuple et que au lendemain de la victoire du peuple, le roi Louis-Philippe et la grande bourgeoisie orléaniste s'étaient glissés au pouvoir et que le peuple qui s'était battu pour eux avait été dupé, évincé, privé de sa victoire. Et je risque cette hypothèse, c'est ça qui est un peu à l'origine de l'ouvriérisme de Flora Tristan. La prochaine fois qu'on fera la révolution, gardons-la pour nous, ne laissons pas les gens qui parlent bien s'insinuer au pouvoir quand nous nous serons fait tuer. À peu près à la même époque, il y a un des plus célèbres des ouvriers poètes, c'était Pierre Dupont. Et dans le chant des ouvriers de Pierre Dupont, il y a une strophe qui commence ainsi. À chaque fois que par torrent notre sang coule par le monde, c'est toujours pour quelque tyran que cette rosée est féconde, épargnons-le dorénavant, etc. Nous, en termes vulgaires, nous nous faisons toujours avoir, nous nous faisons toujours tuer par les autres, alors ne faisons plus de révolutions qui n'aboutissent qu'à amener des bourgeois au pouvoir, même républicains, organisons-nous entre ouvriers, tout seuls, et c'est peut-être un peu cela qu'on appelait le socialisme dans les années 1840. À chaque fois que parteront notre sang coule sur le monde, c'est toujours pour quelques tyrans que cette rosée est féconde. Ménageons-le dorénavant, l'amour est plus fort que la guerre. En attendant qu'un meilleur vent souffle du ciel ou de la terre. Aimons-nous, et quand nous pouvons nous unir pour boire à la ronde, que le canon se taise ou gronde. Buvons, buvons, buvons à l'indépendance du monde. C'était Parcours de femme dans la démocratie par Geneviève Ladouès. Deuxième volet, Flora Tristan, un fabuleux destin, une émission diffusée pour la première fois le 10 mai 1994. Tout de suite, le troisième épisode de cette série, Voix subversive et décalée, Jeanne de Rouyn, Désirée Gay et Eugénie Niboyet. Voyageuse, enquêtrice, journaliste, telle est Flora Tristan, qui était née en 1803, dont la vie passionnée vient d'être remise en lumière au cours d'un colloque récent à l'Université de Saint-Étienne. Les travaux de ce colloque replaçaient dans son temps cette femme et d'autres de ses contemporaines que pour la plupart elle connut et avec lesquelles elle entretint une correspondance. George Sand, Pauline Roland, Eugénie Niboyet, Désirée Gay, Jeanne de Rouyn. Elles ont toutes vécu, ces femmes, et pensé l'avancée de la démocratie au XIXe siècle. Elles sont nées à la liberté et à la politique, ou au combat social, dans les années 1830. Elles se sont battues pour la liberté, l'égalité des hommes et des femmes, pour un monde différent et meilleur. Mais pour beaucoup d'entre elles, leur vie semble inadaptée à la temporalité historique. Ainsi, Flora meurt d'épuisement dans son tour de France de 1844, alors qu'elle essaie de convaincre républicains, socialistes ou compagnons de l'impérieuse nécessité de son union ouvrière. Dans le renouvellement de l'histoire et de la réflexion politique auquel on assiste aujourd'hui, historiens et littéraires examinent les destins de ces femmes, réévaluent les enjeux de pouvoir dans le milieu du XIXe siècle, de la révolution de 1830 à celle de 48 et à l'avènement du Second Empire. Dans une thèse et un ouvrage récent publié chez Albin Michel et intitulé « La démocratie à l'épreuve des femmes », Michel Riault-Sarcey, qui est maître de conférence à Paris 8, retrouve trois de ces femmes. Trois femmes, figures critiques du pouvoir, Jeanne de Rouyn, Désirée Gay, Eugénie Niboyet. Je les ai choisies sans les choisir. Tout simplement, ça me paraissait évident en fonction des travaux qui m'ont précédé. Je pense notamment au travail, là pour le coup, exemplaire de Marguerite Thibert, d'Edith Thomas, de Geneviève Fraisse dans l'article qu'elle avait écrit sur le moralisme des femmes de 48, toute une série d'Evelyne Sullereau qui a travaillé sur la presse effectivement de cette époque-là, et toutes me disaient combien ces trois femmes étaient remarquables dans la mesure où tout simplement elles ont eu un rôle considérable en 1848. Elles sont nées à la liberté dans les années 1831, c'est-à-dire bien entendu nées dans le saint-simonisme, avec toutes les trois un rapport critique et très rapide par rapport à Enfantin en particulier, et puis en même temps, elles ont pris une place essentielle en 1848. Elles n'étaient pas les seules, bien sûr, mais dans la mesure où elles ont joué ce rôle à la fois dans La Voix des femmes, le journal qu'a dirigé Eugénie Niboyet, et puis ce rôle aussi exemplaire, je ne sais pas comment le qualifier, qu'a joué Jeanne de Rouyn, puisqu'elle est la première candidate aux élections législatives de 1849, et elle fait une campagne remarquable à tous égards, parce qu'elle se heurte à l'hostilité de tous et presque de toutes. C'est dire qu'il était presque évident que je travaille sur ces femmes qui sont restées à la fois connues, reconnues, mais toujours à la marge de l'histoire politique. Oui, or, très oubliée, très oubliée, en fait. Très oubliée parce que, en fait, elles sont entrées constamment Elles étaient confrontées à la question politique, elles voulaient entrer sur la scène publique. Mais elles ont forcément entré, puisqu'elles n'avaient pas le droit d'être élues. L'égalité et la fraternité pour tous et pour toutes, et elles sont restées complètement oubliées de l'histoire, et surtout de l'histoire politique. Justement, avant d'aller plus avant, est-ce que vous pourriez juste faire une sorte de petite notice biographique pour chacune d'entre elles, pour que l'on sache exactement qui elles sont et d'où elles viennent ? La notice biographique de ces trois femmes est difficile à faire dans la mesure où elles sont restées un tout petit peu silencieuses sur elles-mêmes. Dans la mesure où elles voulaient entrer en politique, être reconnues comme telles, elles souhaitaient bien sûr la liberté, l'égalité. Elles ont adopté complètement les principes républicains offerts par la Révolution française, ouverts par la Révolution française. Et dans ce sens-là, elles sont restées un tout petit peu à l'écart de la biographie traditionnelle. Elles ont peu parlé d'elles-mêmes. Mais très rapidement, tout de même, on arrive à les percevoir à travers leurs textes, à travers leurs dires et à travers ce que l'on dit d'elles. Désirée Véret est issue donc d'un milieu extrêmement populaire. Juste une petite anecdote pour bien saisir qui elle est et sentir qui elle est. À un moment, au moment du choléra, en 1832, son père dénonçait ses autorités en disant, en fait, le choléra, c'est les autorités qui sont responsables et surtout n'allez pas vous faire soigner, vous allez tous mourir. Il est arrêté très rapidement, c'est dire à quel point, si vous voulez, il était dans ce temps homme du peuple. Et puis Désirée Véret, donc, qu'on appelle prolétaire et qu'elle se dit prolétaire, fille du peuple, elle travaille comme couturière, adhère au saint-simonisme très tôt, elle a à peine 20 ans, comme Marie-Reine Guindorf, et elle ne cesse de travailler, puisque même après la révolution de 1830, l'épisode entre guillemets des saint-simoniens, elle part en Angleterre, elle continue à travailler, et par sa correspondance avec en particulier Fourier, puisque à ce moment-là, elle a choisi le camp des fouriéristes, eh bien, on s'aperçoit qu'elle continue à travailler dans des conditions extrêmement difficiles, puisqu'elle se plaint des 12 heures, 14 heures de travail continu en Angleterre. Et en 1848, on la retrouve comme représentante des ouvrières du 2e arrondissement. Toute sa vie, en quelque sorte, elle a travaillé. À un tout petit moment, elle a renoué avec les saint-simoniens, et pendant un temps extrêmement court, elle est responsable d'un magasin de nouveautés. Et puis, s'étant mariée avec Désiré Gay, qui a quelques difficultés avec, là encore, les pouvoirs publics, à cause du fait qu'il s'intéresse aux travaux, aux livres de l'enfer, il doit quitter la France. L'un et l'autre errent un petit peu en Belgique, en Italie, en Suisse. On sait qu'ils ont tous les deux participé à l'internationale de Bakounine. Et on retrouve Désiré Gay, à la fin de sa vie, à Bruxelles, âgée, à moitié aveugle, et dans une correspondance avec Considérant, elle renoue avec son vieil ami amant Considérant, et elle écrit sa joie, en plus, de retrouver cet ami, mais en même temps sa joie de retrouver cette jeunesse ouvrière belge qui lui permet de revenir à son passé. Ces trois femmes ont vécu très longtemps, presque tout le 19e siècle. Jeanne de Roing est aussi ouvrière. Elle dit avoir vécu dans le drame, par exemple, lorsqu'elle écrit très tard à Hubertine Auclert, dans le drame, la période napoléonienne, la période de la Restauration. Et elle arrive en 1831, liée à un saint-simonien qui s'appelle Desroches, et elle semble être extrêmement attirée par la doctrine saint-simonienne. Et ce qui est extraordinaire chez Jeanne de Roing, c'est qu'elle dit, et on le sent, avoir appris à lire seule, elle a une soif de connaissances extraordinaire. Elle lit tout ce qu'elle peut lire, Mably, Morelli, Rousseau, et elle écrit une profession de foi saint-simonienne, longue profession de foi, où elle discute au sens fort du terme, la doctrine, avec les saint-simoniens. C'est-à-dire qu'elle discute aussi bien théologie, politique, théorie, avec une force très grande et puis une capacité remarquable. Et on sent tout de suite qu'elle n'est pas prête à adhérer au sens où on l'entend, c'est-à-dire qu'elle est critique, extrêmement critique. Et elle dit simplement qu'elle a choisi le camp des saint-simoniens parce que ceci, bien sûr, donne la priorité à l'émancipation des femmes, à l'égalité des sexes. Elle aurait tendance, disons, à penser du côté de la République, mais elle reproche aux républicains de négliger cette part qui est pour elle considérable. Et puis elle se tait. elle se tait. C'est-à-dire qu'entre 1831 et 1848, elle se retire, elle dit en 1831 qu'elle est prête à accomplir une mission, comme Flora Tristan, et on la retrouve tout à fait prête à cette mission en 1848. Elle a eu à ce moment-là 3 enfants avec Desroches, 3 enfants dont un fils hydrocéphale, et elle demande à Desroches de respecter le contrat qu'elle avait passé avec lui, c'est-à-dire qu'elle lui avait expliqué, dès l'instant où on demandera ma place, enfin on demandera mes capacités dans un temps de révolution, eh bien, je partirai en mission. Donc, elle place ses enfants chez des amis, et à ce moment-là, elle se consacre entièrement à la révolution de 1848. Elle n'est pas seule à ce moment-là, elles sont extrêmement nombreuses. Pendant ce temps, entre février et mars de la République rêvée, comme dirait Madeleine, mais une République sociale, une République qui n'est pas simplement une République classique où il y a le suffrage, c'est une République, dit-elle, qui doit nous apporter l'égalité. C'est-à-dire que là, à ce moment-là, elle demande la vérité des mots, c'est ce qu'elles disent, liberté, égalité pour tous et toutes. Et elles expliquent, donc Jeanne de Rouen est au premier plan, elles expliquent combien il est impossible d'envisager le maintien des privilèges iniques, dit Jeanne de Rouen, c'est-à-dire ce dernier privilège qui est le nœud de l'exploitation sociale, la domination entre l'homme et la femme. Et puis, après l'échec donc de l'entrée des femmes en politique, de l'entrée des femmes en démocratie en 1848, Jeanne de Rouen décide, avec d'autres, eh bien, de se lancer dans les associations ouvrières. Elle est à la tête de la plus grande association des ouvriers en 1850. Et bien entendu, à ce moment-là, compte tenu de l'impact de cette association des associations, elle est arrêtée avec Pauline Roland, puisque là, elle rencontre Pauline Roland. Elle a 6 mois de prison après le procès de 50, et elles sont ensemble avec Pauline Roland. Et qu'est-ce qu'elles font en prison, Pauline Roland et elle? Elles lisent. Elles ne cessent de lire, elles ne cessent de s'informer. Pendant qu'elle est en prison, elle envoie une pétition critique à l'égard précisément des mesures qui sont prises contre le droit de pétitionner des femmes. Et en définitive, elle quitte la France. Elle est obligée de quitter la France lorsqu'elle est sortie. Son mari a mal perçu, bien entendu, et mal vécu cette période très difficile pour lui. On dit qu'il devient fou à cette époque. Elle part donc avec ses enfants en Angleterre. Elle ne reviendra jamais en France. Pendant que sous la mer profonde, les cachalots et les requins, ces écumeurs géants de l'onde, libres les vores, le fretin, nous autres cloués à la rive, où la bourrasque a rejeté notre barque un instant rétive. Nous pleurons notre liberté. Michel Perrault et ensuite Madeleine Rémériou. Oui, ces femmes ont écrit publiquement, et l'importance de la presse a déjà été soulignée, mais c'est tout à fait essentiel que cette presse des femmes. Et d'autre part, elles ont écrit de façon privée. Eugénie Niboyer a tenté une autobiographie à l'époque du Second Empire. Elle était préoccupée de cette expression-là. Christine Planté a très bien étudié cela. Et elle correspondait beaucoup entre elles. Les correspondances saint-simoniennes que Michel Riosarcet a retrouvées et en partie publiées, et qui animent en quelque sorte son livre, donnent pas seulement des aspects publics, mais des aspects tout à fait privés. D'ailleurs, tout ça est assez mêlé. Ce que je trouve par ailleurs très beau, c'est qu'elles se retrouvent, 1830-1848 étant les deux moments forts, conjoncturellement forts et nécessaires de leur retrouvaille, elles se perdent, se retrouvent à nouveau, et puis se perdent à jamais. Sous le Second Empire, c'est fini. Elles évolueront chacune de leur côté, en exil ou dans des situations différentes. Et peut-être est-ce à ce moment-là que leur individualité propre apparaît encore le mieux. Parce que dans les actions collectives, bon, elles sont ensemble, elles sont d'ailleurs pas toujours d'accord. Même en 1848, à un moment donné, elles font chacune leurs journaux parce que Eugénie Niboyer et les deux autres femmes sont pas tellement d'accord non plus. Et alors là, chacune suit son chemin particulier. Une Eugénie Niboyer qui est plus philanthrope, une Jeanne de Rouen qui est plus politique et plus absolue. C'est elle, par exemple, qui fait une espèce de propagande pour le célibat et la virginité. Car il ne faut pas oublier qu'elle avait conclu avec son Saint-Simonien de Marie un mariage blanc. Il lui a fait 3 enfants. Hein. Elle aurait voulu. C'est quand même une curieuse histoire. Le mariage était rouge. Et elle pense que pour se consacrer pleinement au rôle d'apôtre, en quelque sorte, et pour ne pas pactiser avec les hommes, il aurait mieux valu finalement rester célibataire. C'est intéressant parce que c'est un thème qui sera repris assez souvent, n'est-ce pas, et qui court à travers tout le 19e siècle. Et puis alors, au contraire, Désirée Verreguet, c'est la grande amoureuse. Elle ne peut pas connaître un grand théoricien sans tomber amoureuse de lui. Elle est amoureuse d'Enfantin. Bon, elle s'en repent. Elle est amoureuse de Fourier, qui est beaucoup plus âgé qu'elle. C'est d'ailleurs lui qui est plus amoureux d'elle. Il lui écrit « Vous êtes si jolie et moi je suis si vieux ». Et puis finalement, elle est amoureuse de Considérant, mais n'ose pas lui dire. Elle lui écrit, alors qu'elle a 80 ans, avec cette phrase sublime, « Victor, je vous ai aimé, Victor, et je n'ai pas su vous le dire ». Ce sont 3 femmes, 3 tempéraments différents. Et par conséquent, leur singularité, comme le disait Stéphane Michaud en début de cette émission, apparaît très bien. Mais, Madeleine Robert, convaincue des singularités, notamment de ces 3 femmes, si diverses et si merveilleusement diverses, si merveilleuses chacune, il me semble qu'il y a tout de même des éléments qui leur sont communs et qui apparaissent bien dans le livre de Michel Rieux-Sarcey. Et un de ces éléments vraiment, vraiment, vraiment étonnant, c'est cette espèce de vie enfouie, ces longues années de latence entre les grands espoirs qui ont suivi 1830, entre la foi saint-simonienne, à travers laquelle elle s'affirme, à la fois en l'adoptant et en la critiquant. Bon. Et puis cette résurrection de 1848. Alors, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que quand nous étions jeunes, quand nous apprenions l'histoire au lycée, il y avait 1830, il y avait 1848. Et dans l'intervalle, on avait l'impression qu'il n'y avait rien. Et à travers ces 3 femmes, ce qu'on voit apparaître, c'est cette histoire enfouie pendant laquelle chacune vit, chacune fait ses affaires elle-même finalement, d'une certaine façon. Pas comme elles le feront plus tard après l'échec du rap de 48-52, mais bon, c'est un phénomène tout à fait extraordinaire. Et le deuxième trait, me semble-t-il, c'est qu'en 48, ce qu'on voit réapparaître en effet dès lors qu'elles sont là, réintégrées dans la vie publique, dans la vie civique, c'est cette espèce d'articulation du politique sur le social, qui est un des faits essentiels de 48, qui est la recherche, finalement, de ce qu'on peut appeler la République rêvée, ou la République sociale, comme on disait à l'époque, mais c'est vrai, je préfère dire qu'elle a été rêvée, puisque sociale, elle ne l'a jamais été réellement. Mais cette articulation de l'un sur l'autre, qui est quand même la difficulté majeure de notre histoire, mais qui est aussi peut-être un des traits les plus forts de l'histoire de la France au 19e et au 20e siècle. Une certaine capacité à dire qu'on ne peut pas simplement organiser l'association des couturières ou l'association des femmes institutrices sans être en même temps demandeur de politique, demandeur d'égalité des droits. Et je crois qu'il y a là un trait capital alors du 19e siècle masculin et un trait que l'on voit apparaître chez ces femmes, chez quelques femmes et quelques autres autour d'elles au fil de ces années. L'éclair de juillet de 1830 et les espoirs du printemps des peuples. Stéphane Michaud. Tout à l'heure, Madeleine Rébeilloux disait que dans cette période qui va de 1830 à 1848, qui est un temps, pour certaines, un temps de latence, chacune fait ses affaires. Et elle pensait à ses affaires sentimentales, ce qui est tout à fait vrai. Et à ce sujet, j'aimerais relever une différence de traitement qui me paraît tout à fait étonnante entre la façon dont Désiré Verret avoue son amour pour Enfantin, pour Fourier ou pour Considérant, ou au contraire le garde et en souffre, et puis cette façon absolument superbe, hautaine et proprement arrogante qui est celle dont Flora Tristan, quelques années plus tard, en 1844, j'allais dire avec un mot vraiment trop familier, envoie sur les roses, en tout cas apostrophe furieusement et avec un dédain proprement insupportable, un certain Joseph Régnier, qui est un Lyonnais, qui me paraît connaître la même aventure que Désiré Verret. C'est-à-dire que ce Joseph Régnier est en fait un chef d'atelier, ce n'est pas un ouvrier sale ni minable, comme voudrait le faire croire Flora Tristan. C'est quelqu'un qui a l'expérience du dialogue social, c'est quelqu'un qui est au moins aussi amoureux de la personne de Flora Tristan que de ses idées. Et alors elle l'envoie promener vraiment avec une verdeur, dont il y a certes quelques exemples, mais c'était un étudiant qui en avait fait les frais l'année précédente. Et on peut peut-être se dire que l'étudiant était d'un milieu aisé et qu'il prenait ça comme une amourette. Dans le cas de Joseph Régnier, c'est autre chose. Mais pour reprendre cette petite expression et sans malice à l'égard de Madeleine Rébeillou, chacune fait ses affaires. Ce qui me paraît extraordinaire, c'est qu'elles font aussi leurs affaires économiques, bien sûr. Et autour de la table, on est tous d'accord pour savoir que, précisément, les femmes dirigent la presse. Et quand bien même cette presse serait une presse que l'on pourrait dire une presse conformiste et qui relaie les intérêts de la société en place. Et Michel Perrault le sait bien, qui consacrait vraiment une belle recension dans la revue Romantisme à un travail fait sur la Gazette des Femmes. Et bien cette Gazette des Femmes, menée par une certaine Madame Foucault de Poussy, est une gazette gérée économiquement par cette femme, qui certes donne des conseils de mode, donne des conseils de toilette, des conseils pour vivre sage dans la société, mais après tout, et vous le releviez très bien, donne aussi des signes d'indépendance, et parmi les signes d'indépendance, j'étais tout à fait surpris de tomber par hasard sur un des numéros, c'était l'année 1846, et d'y trouver à plusieurs reprises la signature de Pauline Roland. Au fond, Pauline Roland ne signe sans doute pas d'articles incendiaires, mais ce ne sont pas non plus des articles qui soient indifférents. Et la toute dernière chose que j'aimerais peut-être... Oui, parce qu'elle reprend des figures de femmes dans l'histoire de France, voilà. Des figures d'héroïnes. Voilà, elle reprend des figures d'héroïnes, ou encore, parce que ça aussi c'est une activité de sa part, elle traduit des poètes étrangers, elle traduit Goethe par exemple, et... Puisque mon métier me fait comparatiste, eh bien, j'ai assez de plaisir à voir que les femmes socialistes de l'époque pouvaient s'intéresser aux littératures étrangères et s'occuper de textes de poésie. Ce qui me paraît le plus important, et c'est un petit peu la raison pour laquelle j'ai choisi aussi ces trois femmes, en suivant de manière extrêmement attentive leurs propos, c'est que celles-ci ont montré comment l'apprentissage de la démocratie se faisait. Elles ont montré tout simplement parce que chacune s'est engagée complètement dans cette démocratie, dans cette république, avec même quelquefois des hésitations. Je pense à Eugénie Liboyer qui au départ était tout à fait du côté des Orléans, mais la pression en fait des masses, dirions-nous, était telle qu'elle accepte par exemple de diriger la voix des femmes. Et tout simplement elles ont dit ce qu'elles aimaient dire, c'est-à-dire la vérité des mots. Jeanne de Rouen, la souveraineté appartient à tous, jamais à un seul, jamais à une fraction de la société. Elle définit ce qu'est la liberté. La liberté individuelle, dit-elle, c'est la liberté morale, intellectuelle, la liberté complète. Un individu, dit Jeanne de Rouen, ne peut l'être que complètement. Et enlever, ôter par exemple, l'individualité sociale, c'est un crime de lèse-humanité. Elles n'ont cessé de dire ceci. Et en particulier en 1848, c'est pourquoi leur propos nous permet de comprendre un petit peu les mécanismes de la prise de pouvoir en pensant précisément cette tension entre universel et particulier. Écoutez ce que dit Jeanne de Rouen lorsqu'elle se présente aux élections en 1849. « La politique a été jusqu'à présent non pas l'art de gouverner les peuples, mais de les opprimer. » Rendez-vous compte, cette logique, cette critique de la politique qui ne lui appartient pas simplement, Eugénie Liboyer qui à la fin est excédée par ce refus des hommes de comprendre cette moitié de l'humanité, il semble qu'en politique, le but ne soit pas nécessairement le triomphe de l'idée supérieure, mais tout simplement de l'opinion qu'on a intérêt à faire prévaloir. Dès lors, la politique n'est plus que l'ensemble des moyens propres à préparer, puis à maintenir cette prépondérance. C'est une stratégie dans laquelle la conscience n'est pour rien, cette manière de concevoir ce que nous appellerons, nous, la science du pouvoir, est à nos yeux un grand malheur. Ces propos, qui sont des propos en excès, bien entendu, nous permettent précisément de décrypter ce mécanisme. Car ceux qui n'ont pas compris que nul ne doit être heureux tant qu'il existe un être souffrant et qui ont usurpé d'injustes privilèges ne peuvent espérer d'en jouir avec sécurité. La peur qui naît de l'égoïsme les condamne à une lutte incessante pour comprimer par la force ou par la ruse la résistance active ou inerte des opprimés. Les excès des uns et les privations des autres amènent inévitablement au sein de la société la corruption, l'ignorance et la misère, d'où naissent tous les maux qui dégradent et affligent l'humanité. C'était un extrait d'un article de Jeanne de Rouen, de la religion au point de vue social, publié dans l'Opinion des femmes en avril 1849. Et puis deux ans plus tard, dans l'Almanach des femmes pour 1852, Jeanne de Rouen, toujours elle, expliquait quelles étaient ses priorités, faire valoir le droit des femmes à la liberté et à l'égalité sociale la plus complète, penser l'organisation du travail et œuvrer pour l'abolition de la peine de mort. Et elle poursuivait. Toutes les autres questions se rattachent directement ou indirectement à ces trois principales, et plus particulièrement encore à la question du droit des femmes qui les résume toutes. Au point de vue religieux, reconnaître le droit de la femme, c'est entrer dans la voie de la solidarité qui est la loi providentielle de l'humanité, par laquelle tous les membres de la famille humaine sont appelés à s'associer et à unir leurs efforts afin qu'il n'y ait plus un seul être déshérité, opprimé et souffrant sur la terre. C'est accomplir la volonté de Dieu. Au point de vue politique, c'est extirper radicalement les privilèges de domination et d'exploitation. Vous m'aviez posé la question tout à l'heure en ce qui concerne ces trois femmes, sont-elles représentatives ? Je dis, elles sont à la fois représentatives et elles ne le sont pas. Elles ne sont absolument pas représentatives de la totalité des femmes dans la longue durée de l'histoire, dans le continu de l'histoire politique, dans la temporalité politique généralement admise. Pour l'essentiel, les femmes, surtout au XIXe siècle, sont soumises, assujetties aux représentations. Et du même coup, assujetties aux représentations, intervenir dans le politique dans le cadre des représentations majoritaires, effectivement, elles ne sont pas représentatives de la masse des femmes. Mais qu'est-ce que c'est que la masse des femmes ? Qu'est-ce que c'est que la catégorie femme ? C'est une catégorie construite, dans la mesure où la multiplicité des femmes est plurielle, elles appartiennent à des catégories diverses, à des classes sociales diverses. Et du même coup, on ne sait pas très bien ce que ça signifie. C'est une catégorie négativement privilégiée, parce que la totalité des femmes sont exclues du politique. Et puis, c'est la raison pour laquelle, pour l'essentiel, comme disaient les auteurs de l'histoire des femmes, les femmes n'existent pas sans leur image. Elles ne sont pas représentatives dans la longue durée, mais elles sont représentatives dans le discontinu de l'histoire politique. C'est-à-dire dans ces instants de désordre où elles critiquent précisément les représentations. Elles ne veulent pas être enfermées dans ce modèle de femme classique, si vous voulez, et elles s'inscrivent dans le politique. Et dans ce cadre-là, dans le discontinu, dans l'actualité du temps, ce qu'elles cherchent, c'est précisément à bénéficier de l'universalité des principes, de l'égalité, de la liberté, de l'accès, ce que je disais tout à l'heure, au savoir. L'une d'entre elles a eu cette formule extraordinaire, savoir c'est vivre, et maintenir dans l'ignorance c'est presque un homicide. Lorsqu'elles disent ceci, lorsqu'elles sont nombreuses à demander précisément l'accès au savoir, qui est le marchepied de la citoyenneté, dans l'actualité du temps, c'est-à-dire, j'insiste bien, dans le discontinu de l'histoire politique, elles sont représentatives. Et c'est pourquoi c'est très difficile, si vous voulez, de saisir les femmes et leur parcours politique dans la longue durée. Mais au contraire, si on est attentif à une période extrêmement précise, et là on s'aperçoit de toute la nouveauté de leurs paroles et de leurs propos, puisqu'elles critiquent précisément l'apprentissage de la démocratie qui est de l'ordre uniquement masculin. Les yeux du fauve sur la grève, quand nous errons le long des jours, nous berçant dans quelques doux rêves, ou de république ou d'amour, la vague des plages lointaines apporte à notre sombre écueil râle de mort et bruit de chaîne, la démocratie est en deuil, la démocratie est en deuil, la démocratie est en deuil. C'était Parcours de femmes dans la démocratie. Trois premiers volets d'une série d'émissions proposées par Geneviève Ladouès, réalisées par Olivier Copin et diffusées pour la première fois sur France Culture les 9, 10 et 11 mai 1994. Réécoute et téléchargement sur le site de France Culture ou sur l'application Radio France. Si vous, si vous...